Chapitre 53e. Monsieur de Maillefort, en entendant Mademoiselle de Beauménil parler d'un engagement qu'elle avait pris avec Monsieur Olivier et qu'elle voulait tenir, fut aussi inquiet que surpris, tandis que la duchesse reprit : Comment, Ernestine, cette promesse faite à Monsieur Olivier ? Eh bien, cette promesse, je vous le répète, ma chère Herminie, je la tiendrai. Ne m'avez-vous pas approuvé d'accepter l'offre de Monsieur Olivier ? N'y avez-vous pas vu comme moi une garantie certaine pour mon bonheur à venir ? N'avez-vous pas enfin senti comme moi toute la générosité de la proposition qui m'était faite ? Sans doute, Ernestine, mais c'était à la pauvre petite brodeuse que s'adressait M. Olivier. Eh bien, pourquoi sa générosité me paraîtrait-elle moindre à cette heure, ma bonne Herminie ? Pourquoi les garanties de bonheur que m'assurait cette offre ne seraient-elles pas maintenant aussi certaines ? Que vous dirais-je, Ernestine ? Je ne trouve rien à vous répondre. Il me semble que vous avez raison, et cependant, malgré moi, je me sens inquiète. Mais tenez, vous ne pouvez avoir de secret pour M. de Maillefort. Non, certes, Herminie, je suis sûr que M. de Maillefort m'approuvera. Le marquis avait silencieusement écouté et réfléchi. Le M. Olivier dont il s'agit, dit le bossu, n'est-il pas le danseur qui vous a invité par charité et dont il est question dans votre récit, ma chère enfant ? « Oui, monsieur de Maillefort, » répondit mademoiselle de Beauménil. Et c'est l'oncle de monsieur Olivier qu'Ernestine a l'autre jour sauvé d'une mort presque certaine, » ajouta Herminie. « Son oncle, » dit vivement le bossu. Puis, après un moment de réflexion, il ajouta « Je comprends. » La reconnaissance, jointe sans doute à un sentiment plus tendre, né lors de votre rencontre avec ce jeune homme chez madame Herbault, lui a fait proposer à Ernestine, qu'il croyait abandonnée, malheureuse, un mariage inespéré pour une pauvre orpheline, ainsi que je paraissais à ses yeux, reprit mademoiselle de Beauménil, car M. Olivier vient d'être nommé officier, et c'est cette fortune qu'il l'a offerte à la pauvre brodeuse. Ne s'appelle-t-il pas Olivier Raymond ? S'écria le bossu, comme si un souvenir lui revenait à l'esprit. Il s'appelle ainsi, répondit Ernestine. Vous le connaissez, monsieur ? Olivier Raymond, sous-officier de hussards et décoré en Afrique, n'est-ce pas ? Continua le marquis. Oui, monsieur de Maillefort, c'est cela même. Alors c'est pour lui que moi, qui ne sollicite guère, j'ai sollicité la demande et en compagnie de mon brave et bon Gérald de Senneterre, qui aimait ce jeune homme comme un frère, ajouta le bossu d'un air pensif. Et de nouveau s'adressant à Ernestine, mon enfant, c'est le meilleur ami de votre mère, et c'est presque un père qui vous parle. Tout ceci me paraît fort grave. Je tremble que la générosité de votre caractère vous ait emporté trop loin. Ainsi, vous avez pris un engagement formel avec M. Olivier Raymond ? Oui, monsieur. Et vous l'aimez ? Autant que je l'estime, mon bon M. de Maillefort. Je comprends, hélas, ma chère enfant, qu'après les horribles révélations du bal d'avant-hier, vous sentiez plus que jamais le besoin d'une affection sincère, désintéressée. Je comprends encore que vous trouviez un charme extrême. Je dirais plus, des garanties peut-être réelles dans l'offre généreuse de M. Olivier Raymond. Mais cela n'empêche pas que vous n'ayez été au moins prudente en vous engageant formellement. Songez-y, il y a si peu de temps que vous connaissez M. Olivier. Il est vrai, M. de Maillefort. Mais il ne m'a pas fallu plus de temps, lorsque mes yeux se sont ouverts, pour reconnaître que vous m'aimiez avec la plus tendre sollicitude. Et qu'Herminie était la plus noble créature qu'il y ait au monde. Alors, croyez-moi, monsieur de Maillefort, je ne me trompe pas davantage sur monsieur Olivier. Mon Dieu, je désire vous croire, mon enfant. Ce jeune homme est le meilleur ami de monsieur de Senneterre. Pour moi, je l'avoue, c'est déjà une très bonne présomption. Puis, avant de m'intéresser au protégé de Gérald, craignant qu'il n'eût été aveuglé par son affection pour un ancien compagnon d'armes, je me suis informé de M. Olivier. Eh bien, dirent en même temps Ernestine et Herminie. Eh bien, mes enfants, la meilleure preuve de l'excellence de ces observations est que j'ai servi M. Olivier de toutes les forces d'un crédit dont j'use très rarement. Alors, M. de Maillefort, que craignez-vous pour moi ? Reprit Ernestine. Pouvais-je faire un meilleur choix ? La naissance de M. Olivier est honorable, sa profession honorée. Il est pauvre, soit, mais ne suis-je hélas que trop riche. Et puis, songez à ma position d'héritière sans cesse exposée aux machinations odieuses, dont avant-hier encore vous avez fait justice. songez que, pour me sauvegarder de ces misérables cupidités, vous avez sagement éveillé en moi une défiance peut-être même incurable. Aussi, désormais en proie à cet horrible soupçon, que je ne suis recherché que pour mon argent, en qui aurais-je foi? Chez qui et dans quelles circonstances voulez-vous que je trouve jamais ce désintéressement, cette générosité dont M. Olivier m'a donné une preuve si convaincante? Car enfin, dans l'offre qu'il m'a faite, me croyant pauvre, abandonné, n'est-ce pas lui qui est le millionnaire? Le marquis regarda Herminie en souriant à demi et lui dit « Votre amie, la petite brodeuse, a réponse à tout, et il faut l'avouer, ses réponses, sous un certain côté, sont pleines de justesse, de raisonnement, de prévoyance, et il me serait très difficile de lui prouver qu'elle a tort. » « Il est vrai, monsieur, » reprit Herminie. « Moi-même, tout à l'heure, je cherchais des objections contre sa promesse et je n'en trouve pas. » « Ni moi non plus, mes pauvres enfants, » reprit tristement le bossu. « Mais malheureusement, la raison ne fait pas le droit, et en admettant même qu'il n'y ait pas au monde pour Ernestine un mariage plus convenable que celui dont il s'agit, il lui faut pour se marier le consentement de son tuteur. Et avec les idées que je lui connais, il est impossible qu'il consente à une pareille union. Il faudra donc qu'Ernestine attende plusieurs années. Ce n'est pas tout. Tôt ou tard, M. Olivier saura que la petite brodeuse est la plus riche héritière de France. Et d'après ce que vous me dites de lui, mes enfants, d'après ce que m'en a dit Gérald lui-même, il est à craindre que dans son excessive délicatesse, M. Olivier ne recule devant la pensée d'être soupçonné de cupidité en épousant, lui, sans fortune, une si riche héritière. Aussi, malgré son amour et sa vive reconnaissance, sera-t-il peut-être capable de tout sacrifier aux scrupules d'un cœur susceptible et fier? À ces paroles du marquis, dont elle ne reconnaissait que trop la justesse, Mademoiselle de Beauménil tressaillit. Une douloureuse angoisse lui serra le cœur et elle s'écria avec amertume « Fortune maudite, je ne lui devrai donc jamais que déception et tourment. » Puis elle ajouta d'une voix suppliante en attachant sur le bossu un regard noyé de larmes « Ah, monsieur de Maillefort, vous étiez le meilleur ami de ma mère. Vous aimez tendrement Herminie. Sauvez-moi, sauvez-la. Venez à notre aide. Soyez notre génie tutélaire, car je le sens, ma vie sera jamais flétrie. Désolé par le doute et la défiance que vous m'avez inspirée. La seule chance de bonheur qui me reste est d'épouser monsieur Olivier. Et Herminie mourra de chagrin si elle n'épouse pas monsieur de Senneterre. Encore une fois, bon monsieur de Maillefort, ayez pitié de nous. » Ah, Ernestine, dit la duchesse à son amie d'un ton de triste reproche et en devenant pourpre de confusion, ce secret, je ne l'avais confié qu'à vous seul. Gérald, s'écria le marquis à son tour, confondu de cette révélation, en interrogeant Herminie du regard. Gérald, vous l'aimez. C'est donc à cette irrésistible passion qu'il faisait allusion lorsqu'hier encore? Comme je le louais de sa généreuse conduite envers Mademoiselle de Beauménil, il me disait qu'il ne vivait que pour une jeune fille digne de son adoration. Oui, maintenant je comprends tout, pauvres chers enfants. Aussi votre avenir m'épouvante. Pardon. Oh, pardon, Herminie, dit Ernestine à son amie, dont les larmes coulaient silencieusement. Ne m'en veuillez pas d'avoir abusé de votre confiance. Mais en qui pouvons-nous avoir foi et espoir, si ce n'est en monsieur de Maillefort? Qui, mieux que lui, pourra nous guider, nous protéger, nous soutenir dans ces cruels jours d'épreuve? Hélas, il l'a dit lui-même tout à l'heure, la raison n'est pas le droit. Il avoue que, d'après la position que m'a faite cette fortune maudite, je ne puis placer plus sûrement mon affection que dans monsieur Olivier, et que pourtant de grandes difficultés menacent ce mariage. Il en est ainsi de vous, Herminie. Monsieur de Maillefort est certainement convaincu comme moi qu'il n'y a plus de bonheur possible pour vous et monsieur de Senneterre que dans votre union, aussi menacée que la mienne. Ah, mes enfants, dit le bossu, si vous saviez quelle femme est la duchesse de Senneterre. Eh mon Dieu, je vous l'ai dit l'autre jour, ma chère Herminie, lorsque vous me demandiez sur son caractère des renseignements dont à cette heure je vois le motif, il n'est pas de femme plus stupidement vaine de son titre. Et pourtant Herminie ne veut épouser monsieur Gérald que si madame de Senneterre vient la voir et lui dire qu'elle consent à ce mariage. Cette juste fierté d'Herminie, vous la prouverez, n'est-ce pas, monsieur de Maillefort? Elle veut cela. Oh, la vaillante et noble fille ! S'écria le marquis après un moment de surprise. Toujours cet admirable orgueil qui me l'a fait tant chérir. Certainement, je l'approuve, je l'admire. Une résolution pareille est d'un cœur haut et hardi. Ah, je ne m'étonne plus de la folle passion de Gérald. Nobles enfants, leurs cœurs se valent. Ne sont-ils pas égaux? Et voilà la vraie noblesse. Herminie, dit Ernestine, vous entendez, monsieur de Maillefort? Maintenant, me reprocherez-vous encore d'avoir abusé de votre secret? Non, non, Ernestine, répondit doucement la duchesse. Non, je ne vous reprocherai qu'une chose, c'est d'avoir causé un chagrin inutile à monsieur de Maillefort, en lui faisant connaître des malheurs auxquels il ne peut remédier. Mon Dieu, qui sait? Reprit vivement Ernestine. Vous ne le connaissez pas, Herminie. Vous ignorez combien monsieur de Maillefort a d'influence dans le monde, combien il inspire à la fois de sympathie, de vénération au noble cœur et d'épouvante aux méchants et aux lâches. Et puis il est si bon pour ceux qui souffrent. Il aimait tant ma mère. » Et comme monsieur de Maillefort, vaincu par l'émotion, détourna la tête pour cacher ses larmes, mademoiselle de Beauménil reprit, de plus en plus suppliante, « Oh, n'est-ce pas, monsieur de Maillefort, que vous avez pour nous la sollicitude d'un père ? Ne sommes-nous pas sœurs à vos yeux par notre tendresse et par l'attachement filial que nous vous portons ? Oh, par pitié, ne nous abandonnez pas !» Ernestine prit la main du bossu, pendant qu'Herminie, cédant à l'entraînement de son amie, prenait l'autre main du marquis en disant aussi d'une voix suppliante « Hélas, monsieur de Maillefort, nous n'avons plus d'espoir qu'en vous. » Le trouble, l'attendrissement du bossu était à leur comble. L'une des jeunes filles qui l'implorait avait pour mère une femme qu'il avait si longtemps aimée. L'autre appartenait peut-être aussi à cette femme, car bien souvent, le marquis revenant à sa première conviction, se persuadait qu'Herminie était la fille de madame de Beauménil. Mais quoi qu'il en fût, monsieur de Maillefort avait reçu de cette mère mourante la mission sacrée de veiller sur Ernestine et sur Herminie. Cette mission, il avait juré de la remplir. Aussi, ne pouvant contenir les sentiments qui débordaient son cœur, il serra passionnément les deux jeunes filles sur sa poitrine, en murmurant d'une voix étouffée par les sanglots. « Oui, oui, chers et pauvres enfants, je ferai pour vous ce que pourrait faire le plus tendre des pères. » Il est impossible de peindre cette scène touchante, de rendre l'effet du silence de quelques instants qui succéda et qu'Ernestine, radieuse d'espérance, interrompit la première en s'écriant « Herminie, nous sommes sauvés. Vous épouserez M. Gérald et moi, M. Olivier. »